Le syndicat financier sud-coréen a déclaré le 14 tenir en juin prochain un rassemblement de 50 000 ouvriers et entreprendre en septembre une grève générale contre la politique des autorités à l'encontre des ouvriers.